Bonjour, Souleymane Camara de MHSC pour Narcos, pour Narcos, pour Narcos. N-A-R-C-O-Z, C-O-Z. Bienvenue dans ma ville, là où j'ai posé mes valises, où j'essaie de bâtir ma vie, où après 22h tu balises. Je te parle de la métropole la plus en vogue dans l'Hexagone. Je te parle de mon peuple, où ça sort le cap dès que ça colle. Dans ma ville c'est le zbeul, c'est pas le nord où on se pèle. Cherche la go la plus belle, que mon gars tous payent. La ville du superficiel, voici ma version officielle. Si tu rêves d'atteindre le ciel, être ce qui tire à les ficelles. J'ai usé mes semelles tous les jours de la semaine. J'ai atterri dans des ruelles où toutes les cultures se mêlent. Du marché de la paillade au plan cabane, c'est la même. J'irai pas dire tout le monde s'aime, mais t'as le respect que tu sèmes. Si tu représentes Montpellier, vas-y lève la main. Si tu supportes MHSC, vas-y lève la main. Si dans ce morceau tu te reconnais, vas-y lève la main. Tape des mains pour Montpellier, lève ton poing pour Montpellier. Si t'es fier de ta vie, vas-y lève la main. Si tu l'aimes la nuit, vas-y lève la main. Si l'été tu le passes ici, vas-y lève la main. Tape des mains pour Montpellier, lève ton poing pour Montpellier. Dans ma ville c'est la nuit que le mythe prend son ampleur. Montpellier by night, j'en ai vu plus d'un en pleurs. Mélange de boissons, rue pression, cacheton, équipe en mission, agression, baston. J'aurais jamais l'apologie de la violence gratuite. J'ai vu trop d'hémorragies causées par deux simples cuites. Je bouge avec les mains, les problèmes je les évite. À part la voix du videur qui nous dit bouger de là et vite. Pas la peine que j'insiste, tu l'as compris, ils sont racistes. De multicolores, y'aura que les spotlights sur la piste. Va pas croire que nous on est triste, c'est juste des clichés qui persistent. Mais à quoi sert Malek Bouti et son SOS racisme? Tu commences la soirée en centre-ville dans un appart. Puis tu sors tes numéros et choisis qui c'est que tu abattes. Voici quelqu'un à la wagon, sinon ce sera l'amigo. Mais avec moi t'en pas la stop, j'suis pas ton ami gros. Direction la Tipolia, c'est là que vont la plupart. Et pour certains, Villa Rouge ou plus fashion, nos bars. Moi je veux qu'on groupe soit légendaire comme les sept salles du palace. Qu'ils scotchent tes oreilles comme ce vieux comptoir dégueulasse. Où t'as posé ta tête après trop de sky scotch sur glace. Dans ma ville des histoires qui souvent le sang de glace. Mais j'avoue rarement triste comme Palavas l'hiver. Au fait frère, si tu me cherches, crèche rue de la Valsière. Si tu représentes Montpellier, vas-y lève la main. Si tu supportes MHSC, vas-y lève la main. Si dans ce morceau tu te reconnais, vas-y lève la main. Tape des mains pour Montpellier, lève ton poing pour Montpellier. Si t'es fier de ta vie, vas-y lève la main. Si tu l'aimes la nuit, vas-y lève la main. Si l'été tu le passes ici, vas-y lève la main. Tape des mains pour Montpellier, lève ton poing pour Montpellier. Dans ma ville les contacts sont faciles. T'as le bon tact et t'es docile. Et la tchatch, moi on dit qu'un fossile. Sur la comète tu aussi. Mais un conseil évite les faux ongles, les fossiles. Après tout reste possible. Mes potes et moi on se tape des barres devant Rémi Gaillard. Puis on part sur des débats jusqu'à tard le soir. Montpellier en Europa League, allez va savoir. Reste supporté en Ligue 2, je me régalais déjà de les voir. C'est pour but Payade Armada, continue à pousser la voix. Si le ballon cherche les buts, vous lui montrerez la voie. Mentalité sudiste, de Montpellier jusqu'à 7. Certains sirotent un pastis, Philippe Serres dans le poste cassette. Fin des cours à la fac, les étudiants rêvent d'évasion. Puis laisse place aux touristes, cette nouvelle population. Capitale du 34, l'été c'est invasion. Nouvelle TST électro-enzac, rentrée chez eux et gros. Vente de bonnes à la grande mode, ou famille à Carnot. Faut un beignet à mon ref, c'est au grand travers, ils sont bons. Dans ma ville, je suis à l'affût du moindre concert de rap. Les esprits sont hip-hop, et très rarement ça se tape. T'as remarqué dans ma ville, ça conduit à la rage. Beaucoup de fous du volant, de quoi te mettre la rage. Ici, pas besoin de la météo de Sébastien Follin. Pour savoir qu'on a le verbe chaud de Loulou Nicolin. Si tu représentes Montpellier, vas-y lève la main. Si tu supportes MHSC, vas-y lève la main. Si dans ce morceau tu te reconnais, vas-y lève la main. Tape des mains pour Montpellier, lève ton poing pour Montpellier. Si t'es fier de ta vie, vas-y lève la main. Si tu l'aimes la nuit, vas-y lève la main. Si l'été tu le passes ici, vas-y lève la main. C'est pour tous les quartiers, toutes les places. Prends le tram si tu te déplaces. Du centre-ville à la paillade, du petit bar au Cévennes. Saint-Martin, Paul-Valéry, Roi d'Argent, Malbos, Figueroa, Chambert, Danticone, Neuromédecine, Alco. Yeah, toutes les cités unies. Tous les squatteurs aussi, tous les villages, jusqu'au Pic Salou. 2010, Narcos, Peace.